À quoi bon rire, à soudre par terre. Plus rien est vrai, tu sais mon frère. Tu vas y croire que notre vie sur terre est un mensonge au goût amer. Le marchand de rêve, tu veux que je te dise, ils ont plus rien même en temps de crise. Mais tu vois rien, toi tu maîtrises ta consommation de bêtises. Tu veux la gloire, t'auras de l'espoir. Tu veux le tard, t'auras de belles histoires. Et tous les soirs un partir, te faire la malle. Là où tu vas, tu tires une balle. Les gens se battent et se font du mal pour une poignée de mistral. Tu veux la gloire, t'auras de l'espoir. Tu veux être tard, t'auras de belles histoires. Et dans le noir, tu marcheras sur le trottoir. Bien sûr qu'y croire, choisis.